D'accord, là, bizarre. C'est quoi ça? Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Chorus guitare. Jouer. je ne sais pas comment te dire. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ça va, ça. Trop de disto, ouais. Ouais, parce que je suis un son solo là, je peux quoi. Je l'aime bien celui-là, mais il est un peu trop. Je te donne mes notes, je